Salut, c'est de Fantasio 974, plus connu sous le nom de Fanta, et ceci n'est pas une vidéo troll ou putaclic. Enfin, peut-être elle l'est, mais en tout cas, ce n'est pas une blague, vous n'avez pas été trompé, et ceci est bel et bien la dernière vidéo de ma chaîne. Donc j'ai commencé, pour votre information, en 2010. Voilà, j'approche actuellement, cette année je vais avoir 40 ans. Et je pense que j'ai fait le tour de YouTube et c'était un tour appréciable. Et j'ai choisi aujourd'hui d'abandonner ma vie rêvée de YouTubeur. Voilà, ce mec qui se lève le matin, qui joue à un jeu vidéo, puis qui se couche et puis qui reçoit un salaire bien au-delà du raisonnable. Et je vous en remercie parce que si ça a été possible pendant toutes ces années, ben c'est grâce à vous. Alors, je vous rassure que les motivations de mon arrêt ne sont pas financières, parce que justement, le gros risque que je prends, c'est d'accomplir ce rêve que j'ai eu depuis longtemps, qui était d'arrêter. Ça fait longtemps, vous savez que j'ai envie d'arrêter YouTube. Vous étiez au courant depuis plus d'un an. Vous avez pu voir un petit peu mes baisses de régime, mes coups de gueule, mes interrogations sur la plateforme et tout. Je n'ai pas de coups de gueule à passer hein, sur la plateforme escalée. On s'adapte ou on meurt. J'ai choisi de mourir, globalement. J'ai choisi de partir parce que, même si je sais ce qu'il faut faire pour continuer, j'ai choisi de vivre une autre vie, une vie à l'abri du public, à l'abri de l'exposition, et quitte à avoir moins d'argent, ce qui est très très probablement le cas, j'ai décidé de faire ma route. Alors, ça fait 6 mois aujourd'hui que Cause Toujours existe. C'était une émission un petit peu qui m'a aidé à tenir plus longtemps que prévu. Je voudrais faire une dédicace à tous ceux qui sont passés dans cette émission et avec qui on a développé des amitiés, un sens, presque un rendez-vous familial. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont soutenu cette chaîne hein, depuis ses débuts, tous ceux qui ont la nostalgie du guide pour bien débuter à Minecraft, des grandes et de la grande époque Fanta et Bob The Dream, quand c'est The Dream. la Billy, ça sera jamais The Dream. Alors j'ai un autre dream à vivre, moi, celui de papa, qui est, et ça va être celui d'un papa discret. En tout cas, j'espère que je ne vais pas être attiré tout de suite vers la création d'une autre chaîne YouTube. À vrai dire, ça fait 10 ans que je fais ça et c'est peut-être la seule chose pour laquelle je suis doué. Mais j'ai l'impression... Non, c'est pas vrai, c'est pas la seule chose pour laquelle je suis doué. Mais j'ai l'impression que voilà. Si pendant un moment, je me suis interrogé sur ma passion du gaming ou de Minecraft et on a vu qu'effectivement, bon, c'était un petit peu limité. Le gaming, ça devient de plus en plus difficile, même pendant mon temps libre. Je n'ai plus envie vraiment de jouer. Je sais pas, j'ai vieilli quoi. J'ai pris un petit coup de vieux et peut-être que le goût justement et que je prendrais un pied incroyable à jouer comme ça en secret, sans que personne me regarde, me juge ou machin. Je me dis waouh putain, je kiffe grave parce que ce putain de moment où je vais jouer à un jeu vidéo, ça sera un moment précieux, rare. Ça sera une vraie perte de temps. Ça sera pas faire rentrer des vues, pour faire plaisir à des viewers, pour pouvoir payer mon loyer, etc. etc. Toujours est-il que c'est bel et bien la fin. Le live de ce matin, je sais, a miné un petit peu pas mal les gens en disant qu'ils essayaient, voilà, soit il y a ceux qui comprenaient, soit qui ne comprenaient pas. Je pense que si ça me travaillait aussi longtemps, depuis si longtemps, c'est que voilà, je suis appelé ailleurs. Je suis appelé ailleurs et avec un gros risque, c'est celui de la dépendance financière, d'un renouvellement de mon activité. Et voilà, je n'ai pas intention de revenir le mois prochain, je ne sais pas ce que je vais faire, je n'ai pas l'impression de faire des comebacks et des recomebacks et des machins. Non, c'est le Fanta qui s'en va. C'est le Fanta qui s'en va avec des bons souvenirs, beaucoup d'angoisse, cette peur là que j'abandonne et... cette peur de ne plus pouvoir vivre de YouTube, parce que c'est la dépendance totale à cette plateforme m'a rendu très dépendant de ça et du coup très dépendant aussi des avis laissés par les gens. Et je me suis, dans le cadre de mon parcours, laissé bien trop souvent trop touché, influencé par des gens qui disent de la merde derrière leur écran. Et on va pas leur en vouloir pour ça, ou par mes susceptibilités mal placées. Globalement, pour moi, l'aventure YouTube, ça a été aussi une victoire, enfin des victoires contre moi-même, contre ma susceptibilité. Mon ego, mes fails légendaires, j'espère qu'ils vous auront laissé de bons souvenirs, mes petites blagues à la con aussi. Et voilà, c'est fini et je pense que je serai soulagé de plus être dans une course à la visibilité. Je serai soulagé de ne pas me sentir obligé de faire des vidéos de plus parce qu'au final, voilà, j'ai envie de faire d'autres choses. J'ai envie de faire autre chose, je pense que je peux avoir une meilleure utilisation de mon temps. J'espère que j'ai pu en aider certains, que ce soit dans la bonne humeur et l'amitié. Je pense que c'est vraiment ça le message de ma chaîne, de notre chaîne avec Bob, Fantabob Games. Bob n'est pas au courant, hein. Je ne suis pas non plus fâché avec lui, je pense que je vais l'assister un petit peu pour qu'il puisse démarrer seul. Mais aussi je vais partir un peu égoïstement, ça veut dire que je vais laisser tomber en plan la chaîne sans pitié parce que ça fait trop longtemps que je résiste pour faire plaisir à d'autres personnes. Donc voilà, maintenant je vais penser à moi et je me barre. Donc je pense quand même que parmi les fruits de cette chaîne The Fantasio, il y a le plaisir, le goût du partage, la découverte, l'émerveillement, ça a été surtout les départs. De la chaîne. Ensuite, vous avez pu être témoin et vous êtes encore témoin de mon amitié avec Bob hein, qui n'a pas failli. On n'est pas fâché du tout. C'est juste que lui, son but, c'est de continuer ça toute sa vie. Mais moi, mon but depuis longtemps, c'est d'arrêter. Et aujourd'hui, j'accomplis mon but, j'accomplis ce but ultime. Donc voilà, les fruits, c'était mon amitié avec Bob. Je suis très fier que voilà, vous ne nous ayez jamais entendu nous engueuler sur Twitter. Des gros dramas, comme les gens ils adorent sur YouTube, oh là là c'est fabuleux. Alors d'ailleurs j'imagine qu'il y aura peut-être des vidéos réactions à la fin de Fantasio, oh là là c'est... Gavez-vous les amis, gavez-vous. N'hésitez pas à revenir sur cette vidéo, me faire des vues, peut-être que je toucherai à monétisation. J'imagine que ça va plaire à beaucoup de genres de dramas et que certaines vérités plus ou moins agréable à entendre seront dites, mais ce qu'il y a c'est que la réalité c'est que je m'en vais, je reviens pas, donc en fait je m'en branle. Je sais aussi que j'aurai beaucoup de messages d'amour, d'encouragement, oh là là Fanta tu vas me manquer, oh là là je suis trop triste, mais les mecs prenez soin de vous, occupez de vous. Vous allez me survivre et puis il y aura des milliards et des milliards de chaînes YouTube qui vont continuer à exister et faire ce qu'on a fait, probablement mieux, et qui vont bercer l'enfance d'autres jeunes. Alors même si, bien sûr, on a marqué les esprits, on a marqué une jeunesse, et peut-être même qu'on a été les tontons, les parents cachés de Kevin du 33, du Corentin du 56, de Dark Sasuke 32. Oui, nous sommes vos parents. Et Bob, lui, continue, et son but, c'est de continuer, et il est clairement fait pour ça. Moi, ça fait longtemps que ça ne m'épanouit plus. Ma grande satisfaction, c'était YouTube. Enfin, ma grande passion, après, ça a été YouTube. Voilà, continuer, persévérer, renouveler, sans cesse. Mais là, ça ne me dit plus rien, du tout. Absolument rien. Donc, l'amitié avec Bob, l'amitié, la mise en valeur de l'autre, voilà, les chaînes, les serveurs qu'on a présentés, ce genre de choses, c'est super top. C'est des grands fruits que je peux espérer laisser. Après, j'ai essayé de faire un petit peu d'écoute avec de la diplomatie, de la non-diplomatie, de la bêtise, parfois de la méchanceté. Mais j'ai pu, sur ces dernières émissions, être moi-même. Voilà, et ça m'a plu. J'ai été touché par cette... J'ai pu être moi-même en tant que chrétien, en tant que... Parfois, je vais dire connard, mais aussi comme en tant qu'ami. Ami de l'internet, quelqu'un qui a le souci de l'autre et de son bonheur, avec voilà une volonté de voilà de pousser les gens à l'action, à l'encouragement, à être en accord avec eux-mêmes. Alors je dis pas que être en accord avec soi-même c'est forcément arrêter de faire ce qu'on fait, machin et tout. Je m'en veux hein, de partir et de pas avoir la volonté de continuer, mais en fait je m'en veux pas. Je pense que c'est la bonne chose à faire. Voilà, je vais trouver d'autres occupations. En tout cas, les amis, c'était un beau parcours. Je vous invite à vous abonner et à vous notifier à la chaîne de Bob Lennon, Fantavo Games, qui deviendra probablement Bob Lennon s'il l'accepte. Et les notifications, sinon ça sert à rien. Et puis à continuer à le supporter, voilà, dans ce talent incroyable qu'il habite. Et moi, je pense que je vais l'aider un petit peu par derrière, faire un petit peu des petites miniatures pour lui, essayer de l'aider à gérer des situations de crise parfois. En tout cas, en tant qu'ami, il m'a pas perdu. Tous les copains de YouTube, etc., etc. En tant qu'ami, vous m'avez pas perdu. Vous pouvez toujours me contacter. Si je vous ignore, m'envoyez pas. Sachez que l'amitié, elle est toujours là. Que le respect, il est toujours là. C'est juste que je prends le large, quoi. Bisous. Et prenez soin de vous.